Ba mema kaba tu ya makelele na bukila te Banyama bagwa kukima Tout est bien qui finit bien Oya ngaisu kaka kaka nangrela Jean-Luc Moukou Ata batongi balobi bangwe ni bajaz Bolingo nangae tonge kuke Na mote manayo na kobi mate Ata batongi spekule Bawaye bajaze Eza sans effet yanga inayo Kya makila na kolandate Bona nini changer Charoufa Zela ya koleka après coup Yo mesani sa kinga mabe Chaque jour on dit que la kanga lilala Baton yon sa va la lempongye Naina ba chauve souri lo e moya mawa Kantik na biso ya monotomi Pas d'oléance, ezanga solution. Ma moro comme le bécélengae. Delgado. Razingi ma boko na kwanti moto. Obolingwe no kwa plaisir. Yanga e komi lelo. Loe moya mawa. Vraiment, tu avais raison, Jean-Luc mon coco. Rémi ma samba. Comete amoya yonanga eza euro ya nzambe Yo mesanisa kinga mametro Chaque jour tike la kanga lelala na bombo Kaya nyingini yiyan Oye mesupa kaka kalande la zori kebo koko Tout est bien qui finit bien Jean-Baptiste de Londres kolobelela